The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Saddle up. Ancelle. Tire. Le pneu. Flat. À plat. Burst. Crever. For how long? Depuis combien de temps? Alarm. L'antivol. Padlock. Le cadenas. To fear. Craindre. Now, a bit faster. Tire. Le pneu. Flat. À plat. Alarm. L'antivol. Padlock. Le cadenas. Flat. À plat. Padlock. Le cadenas. Tire. Le pneu. Burst. Crever. For how long? Depuis combien de temps? Tire. Le pneu. Saddle up. Ancelle. Tire. Le pneu. Now, use the words in context. Le pneu. If you buy 3 tires, the 4th is free. Si tu achètes 3 pneus, le 4e est gratuit. L'antivol. Do you have a lock to lock the bikes? Tu as un antivol pour attacher les vélos? Le cadenas. He used a slide to open my lock so he could read my diary. Il a ouvert mon cadenas avec une barrette pour lire mon journal intime. Craindre. Don't worry, I'm here to protect you. Ne crains rien, je suis là pour te protéger. L'antivol. Do you have a lock to lock the bikes? Tu as un antivol pour attacher les vélos? Le cadenas. He used a slide to open my lock so he could read my diary. Il a ouvert mon cadenas avec une barrette pour lire mon journal intime.